Merci de choisir la radio Isanganiro pour vous informer. Bienvenue à l'écoute de ce journal. Voici tout de suite les titres. La Banque mondiale déplore que la Banque centrale et le ministère des Finances n'ont pas respecté le délai de 10 jours de paiement des factures des projets et le changement des points focaux désignés pour le suivi de toutes les demandes de paiement à ces institutions. En cette période préélectorale, le vice-président du parti Sawanya Frodewu déplore qu'il s'observe des administratifs qui empêchent le fonctionnement des partis politiques de l'opposition. À cela, il ajoute des messages de haine qui empêchent les autres d'exercer les activités politiques qui sont toujours d'actualité et vous l'entendrez. Et en province, la section Ngozi de l'Ordre des médecins burundais dit être choquée par 5 millions de francs burundais exigés comme caution pour libérer provisoirement Dr Guy Iliba. Ce dernier est soupçonné d'être impliqué dans le décès d'une dame accouchée par césarienne. Vous aurez les détails avec notre correspondant Ngozi. Voilà pour le sommaire. Soyez les bienvenus à la présentation d'Auré Bingabilé. Akimana François assure la mise en onde. Il s'observe toujours sur la scène politique des administratifs qui empêchent le fonctionnement des partis politiques de l'opposition et d'autres qui ont déjà compris la cohabitation pacifique. Constat du vice-président et porte-parole du parti Sawanya Frodewu en cette période préélectorale. Phénias Nigaba indique qu'il y a où les autorités locales ont refusé à ce parti de hisser le drapeau et où certains ont été volés. Il ajoute que même des messages de haine qui empêchent les autres et des qui empêche les autres d'exercer les activités politiques sont toujours d'actualité. On l'écoute. Le parti Sawanya Frodewu salue la bonne collaboration qui a existé ces derniers jours. Certains administratifs qui manifestent la volonté de respecter les droits de réunion. Le parti Sawanya Frodewu déplore le comportement antidémocratique de certains administratifs qui veulent seulement voir leur parti au pouvoir exercer les droits politiques. Je donnerai quelques exemples. En premier de Chibitoke, dans la commune de Mugina, sur la colline de Buseruko, l'administrateur de la commune de Mugina, avec le chef de colline de Buseruko, ont catégoriquement refusé à ce que le parti Sawanya Frodewu puisse implanter son drapeau là où il était, soi-disant qu'ils ne veulent pas voir d'autres insignes à part ceux du parti au pouvoir. Et nous remarquons également sur le terrain qu'il existe encore une communication violente qui va dans le sens d'intimider la population pour l'empêcher d'adhérer dans d'autres formations politiques de leur choix. En plus, nos drapeaux sont dans ces derniers jours volés dans certaines localités. Ici, on citerait à Lomongé où 3 drapeaux ont été volés par des personnes inconnues. Mistero à Kayanza, où il y a 2 drapeaux qui ont été volés. Ici même, dans la mairie de Bujumbura, il y a, au niveau de Gihosha, il y a un autre drapeau qui a été volé. Ça, c'est une intolérance politique. Voudrions demander de laisser les partis politiques à ce qu'ils aillent sur le terrain pour donner leur programme politique à la population afin de permettre à cette dernière de faire aller le choix sans qu'il y ait intimidation, afin de laisser concourir les programmes politiques et de mettre à côté le terrorisme. Et certains habitants de la ville de Bujumbura demandent aux représentants des partis politiques de mettre en avant des projets de développement qui aideront les citoyens à lutter contre la pauvreté. Ils demandent que les enseignants qui seront donnés durant la période de la campagne électorale soient ceux de la paix et de la bonne cohésion sociale. Ils implorent ces leaders politiques de travailler pour l'intérêt du pays et non pour leur parti politique. Du moment que les élections sont proches, on observe des situations qui ne tranquillisent pas et des situations qui s'observent par des manipulations des uns des autres. Mais des fois, ce sont des manipulations qui visent les intérêts des uns des autres. On observe des divisions, des différentes tendances au sein des partis politiques. Mais nous lançons un appel pressant à l'endroit des leaders des partis politiques pour qu'ils soient proches de leurs membres, pour réduire le risque de manipulation des jeunes et de violence électorale. Mais aussi, nous leur demandons de diffuser des messages constructifs, des messages qui ne sèment pas la haine. En cette période, nous demandons aux leaders des partis politiques de diffuser vraiment des messages dans le sens de renforcer la cohésion sociale, des messages paisibles, des messages qui incitent leurs militants de renforcer l'unité sociale. Nous lançons un appel à ces leaders politiques de penser à nous, les citoyens, qu'il n'y ait pas de chicanerie pendant la période électorale, car ça nous affecte beaucoup. Nous leur demandons de mettre en avant le développement pour un meilleur avenir de nos enfants qui seront au pays, le Burundi. À tout moment qu'ils préparent les élections, il faut qu'ils mettent en avant le bien des citoyens et ses besoins pour son développement. Que tout ce qu'ils vont nous apporter soit pour notre développement. Je vous l'avais dit dans les titres, la Banque mondiale a adressé récemment une correspondance à la Banque de la République du Burundi et au ministère des Finances expliquant que ces institutions n'ont pas respecté les mesures pour assurer le paiement des factures des projets dans un délai n'excédant pas 10 jours. Selon cette correspondance, la Banque mondiale déplore le changement des points focaux désignés à ces institutions pour le suivi de toutes les demandes de paiement. Cette correspondance précise que plus de 100 millions de dollars ont été payés par la Banque mondiale pour ces projets au moment où la BRB et le ministère des Finances ont demandé le paiement de plus de 2 millions de dollars. Jean-Marie Vianney Ngendakumana a lu cette correspondance. Selon cette correspondance du 4 juin 2024 adressée au gouverneur de la Banque de la République du Burundi BLB et au ministre des Finances Hawa Sisewage, représentante résidente de la Banque mondiale au Burundi, fait savoir que les dirigeants de ces institutions étatiques n'ont pas respecté toutes les mesures d'assurer le paiement des factures des projets dans un meilleur délai n'excédant pas 10 jours après la réception du dossier complet conformément au plan de dépenses de chaque projet qui serait envoyé à la BLB par chaque unité de gestion des projets. 8 mois plus tard, la Banque mondiale a constaté que ces différentes équipes techniques et les délais de paiement des factures en devises soumises par ces unités de gestion des projets sont longs. Par ailleurs, certaines factures sont payées en des tranches espacées de plusieurs semaines sans consultation préalable de l'unité de gestion des projets. Ces délais longs de paiement des factures ont un impact négatif sur la performance des projets. Selon cette correspondance, la Banque mondiale déplore le changement des points focaux initialement désignés à la BRB pour le suivi de toutes les demandes de paiement. Cette correspondance précise que plus de 110 millions de dollars américains ont été payés par la Banque mondiale pour ces projets au moment où la BLB et le ministère des Finances ont demandé le paiement de plus de 2 millions de dollars. Hawa Sisewage, représentante résidente de la Banque mondiale au Burundi, demande à la BLB et au ministre des Finances de tout faire pour que les factures en instance soient payées dans les meilleurs délais et trouver un moyen de régler définitivement cette situation. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganilo. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos plateformes sociales, sur Facebook, c'est Radio Télévision Isanganilo RTI, et sur X, c'est RT Isanganilo. Dans la suite de cette édition, la section Ngozi de l'Ordre des médecins burundais dit être choquée par 5 millions de francs burundais exigés comme caution pour libérer provisoirement Dr Guy Iliba, soupçonné d'être impliqué dans le décès d'une dame accouchée par césarienne. Déclaration faite par Dr Guillaume Naokuriga, représentant de cet ordre en province Ngozi. Les médecins de Ngozi déplorent le fait que le procureur s'est basé sur un rapport médical fourni par un hôpital qui a alité la patiente décédée pour emprisonner le docteur. Ces médecins demandent par conséquent une enquête minutieuse. Apollinaire Muzagara. Comme l'a indiqué Dr Guillaume Naokurigayo, représentant l'Ordre des médecins burundais en province Ngozi, cet ordre dit ne pas comprendre comment un rapport médical confectionné par l'hôpital de Bujumbura où a eu lieu le décès d'un malade après l'opération peut emprisonner un médecin qui l'a opéré avant en Ngozi et qui a laissé la malade rentrer à la maison vu son état de santé. D'où la section province Ngozi de l'Ordre des médecins burundais demande la mise en place d'une commission de médecins neutres afin d'être établir la responsabilité. Nos confrères de Bujumbura, ils ont commis une erreur déontologique. Ils ont produit un rapport que nous considérons que c'était un rapport d'essayer de se justifier. Et ce rapport a été même l'élément principal que la justice a utilisé pour l'emprisonnement de notre confrère Dr. docteur Guy. Après, son dossier a été instruit par le procureur général près de la cour d'appel d'Ongozi qui a libéré provisoirement docteur Guy Iriba moyennant une caution de 5 millions de francs, ce que déplorent ces médecins qui disent avoir signé un acte d'engagement de payer tout dédommagement en cas de preuve d'implication de son médecin dans son décès. En date du 27, le procureur général près de la cour d'appel d'Ongozi nous a exigé qu'on signe un document de garantie pour la libération provisoire. Et aussi, ce document de garantie, c'était dans l'objectif qu'une fois qu'après la libération de notre confrère, il y avait une doute qu'il peut disparaître. Et qu'après le procès, on trouve quelqu'un qui pourra payer les dédommagements. Ces médecins d'Ongozi tranquillisent tout de même qu'ils vont continuer à soigner les patients en attendant la réponse de leur doléance. D'Ongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Et en province Kirundo, les vols nocturnes au centre urbain de Kirundo prennent actuellement une ampleur très inquiétante. En moins de 3 semaines, plus de 10 ménages ont été ciblés. 2 vols, selon les habitants. Ces bandits puisent le carburant dans les véhicules garés dans les ménages, volent les batteries, les animaux domestiques et les récoltes, comme l'indiquent les victimes. Le chef de quartier Nyange Bouchadza, où ces cas sont devenus fréquents, demande à la population de sa circonscription de veiller à leur bien, surtout pendant la nuit, et de mettre les mains sur toute personne qui suscite des inquiétudes et n'ayant pas des pièces d'identité pour alerter la police ou l'administration. Abraham Safari. Comme le précisent les uns et les autres, parmi ceux qui habitent au centre urbain de Kirundo, les vols nocturnes commis par les bandes de voleurs jusqu'ici inconnus inquiètent la population. Ces cas de vol, comme ils continuent à le dire, certains sont inhabituels car les véhicules garés sont puisés du carburant en dévissant le fond des réservoirs. Dans 10 ménages, en moins de 3 semaines, 5 ont été volés du carburant dans leur véhicule. L'un de ces véhicules a été également volé sa batterie après avoir puisé tout le carburant et détruit la vitre de la portière. Ces bandits font également le vol des animaux domestiques ainsi que les récoltes. Ici, plusieurs sacs de riz ont été volés la semaine dernière chez un ancien parlementaire. Ces bandits n'ont pas peur de cibler même les ménages qui abritent les forces de sécurité, comme nous l'ont fait savoir ces dernières. La population du centre urbain de Kirundo s'inquiète beaucoup de leur sécurité et craint qu'ils peuvent même y laisser leur vie en cas de l'autodéfense. Ils demandent aux forces de sécurité de renforcer les patrouilles nocturnes dans les différents quartiers du centre urbain de Kirundo. Le chef de quartier Nyange Bouchaza, Elias Ngrunziza, où se parle beaucoup des cas de vol, demande à la population de sa circonscription de veiller à leurs richesses, surtout les véhicules, et mettre des veilleuses sur les clôtures. Cet élu collinaire demande ensuite aux familles d'avoir des cahiers de ménage et surtout alerter la police ou l'administration en cas de soupçon d'une personne étrangère sur la colline n'ayant pas de pièce d'identité. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Parle, rassure-moi. Les messages d'autoglorification sont des messages cachant parfois des faiblesses d'un individu, explique le psychologue Alexis Hatungiman. De tels messages peuvent être source de confrontation des groupes. Martel Juliane Nzouihaya, administrateur de la commune Obugina en province Chibitoke, la population de cette commune affirme avoir déjà entendu de tels messages. Cette chronique est signée Mireille Kanyange. Ces habitants de la colline Rugajo, en commune Mugina de la province Chibitoke, disent avoir entendu des messages d'autoglorification dans leur entourage. Alexis Hatungimana, psychologue, explique que de tels messages ont pour but de se vanter. Cela arrive dans les pays post-conflit et peuvent aboutir à la violence. Les messages qui montrent que c'était autoglorification, ce sont des messages qui parfois cachent les faiblesses de l'individu. Donc, l'individu en soi, dans la communauté, se proclame ceci, dit qu'il se vante ceci, qu'il a fait ceci, qu'il fait ceci, dit bien. Alors que, par exemple, les choses ont été faites par la communauté elle-même. Le fait de cacher cette faiblesse, quelquefois, ça divise la communauté. En fait, ça divise la personne et la personne en soi qui s'auto-glorifie, certainement qu'il y a des alliés autour de lui. Il y a des gens qui le croient, il y a des gens qui ne le croient pas. Et les deux blocs commencent à discuter, voire à disputer. S'ils commencent à disputer, c'est la violence. Il adopte des comportements de grandeur visant à nuire la force ou les compétences de l'autre. Et si l'autre se voit sous-estimé, lui aussi, il a tendance à se défendre. C'est le début de la violence même. Ces habitants de la colline Rugajo estiment que l'objectif visé est de sous-estimer d'autres groupes. De son côté, Julien Nzoihaya, administrateur de la commune Mugina, fait savoir que les messages d'autoglorification peuvent être à la base des confrontations. Les discours d'autoglorification ne manquent pas ici dans notre commune. Il y en a qui le font pour faire comprendre ce que l'on envisage de faire et cela peut heurter les esprits des autres. Par exemple, un responsable d'une association se vante des réalisations de développement alors que les bases ont été accomplies par d'autres. Si l'on n'y fait pas attention, ces messages peuvent aboutir à des confrontations, des morts, voire plusieurs dégâts. Alexis Hatungimana, psychologue, suggère aux responsables des groupes de laisser l'appréciation à la communauté pour éviter des violences de masse. Mireille Kanyangi. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci pour votre oreille attentive fidèle. Doré Mingabi est jeté à la présentation. François Kiman a assuré la mise en onde. Restez branchés sur nos ondes.